Nous sommes... Bonjour. En guerre. Bonjour. En guerre. La matinale des bons cons. De 10h à 11h. Bonjour à tous, bonjour à toutes, comment allez-vous? Bonjour. Alors ça me fait rire parce que ça y est, maintenant ça devient un truc systématique, le bonjour de Chloé. C'est toujours le bonjour. Bonjour. Ah bah oui, tu préfères que je dise bonjour? Non, mais c'est très bien, écoute. Ah bah oui, bah moi j'aime bien les trucs un peu solennels, un peu monocorde, un truc, voilà. Bah, écoute, je vous ferai des surprises maintenant dans mes bonjours. Je lancerai mes... Surprise! Comment ça va, Doug? Bah, ça va super bien, je suis actuellement en chemise, c'est pour vous dire à quel point j'ai confiance en moi aujourd'hui. Ah bah alors, mais comment cela se fasse? Nous on est en pire, enfin moi je suis en jogo de toute façon depuis un mois, donc bon je dis ça, mais... Pourquoi en chemise? Vous êtes peut-être en chemise jogo, vous me direz. Non, j'ai un short de ville, quoi, mais parce qu'il fait chaud dans le sud. Vous êtes prêt pour aller... Je suis vraiment en civil, quoi. Vous êtes prêt à aller à la boule, là? Oui. Short pastel, peut-être? Non, pas du tout. Il est vert crocodile. Très bien. Vous aviez peut-être un entretien vidéo ce matin? Même pas. C'est entretien avec moi-même. Ah, bah il y a Jean-Jean qui nous dit « Je suis en slip ». Quel type de slip? La France veut savoir. Quelle couleur est le slip? Les Français veulent savoir. Non, mais vous avez raison de vous faire des petits kiffs comme ça le matin, de vous habiller, de vous pimper un peu. J'avoue que moi, j'ai fait ça le jour de votre anniversaire, j'avais très envie de me pimper. J'ai même fait ma petite morning routine étirement, pour vous dire que je suis bien. Eh bah, ben dis donc. Ouais. Un homme frais. Frais et pimpant. Frais comme un gardon. Wow. Le marine me suit. Ah. D'accord. C'est noté. Bleu marine. Et vous, Kéman, quid de la couleur de votre slip? Je crois que bon, on est sur du bleu marine. Mais de toute façon, c'est pas un slop déjà, moi c'est un boxer. Et je crois qu'on est sur du bleu marine avec des petits palmiers dessinés dessus en blanc. Voilà. Pour l'été. Pour le son de hipster. Comment? Un caleçon de hipster? Bah là, il est très hipster parce qu'il est en jogo, Adidas, marinière et bonnet rouge. Le jogo Adidas du Bayern de Munich est old school, s'il vous plaît. Attention. Et moi, tout le monde s'en fout, mais je suis en pull. Mais vas-y, dis-le. En pull gris, voilà. Waouh. Ouais. Slip rouge, si vous voulez tout savoir. Voilà, c'était pour l'outfit du jour. Alors aujourd'hui, on est le mercredi 15 avril. Ça passe vite, hein? Non. Faux! C'était hier, normal. C'était hier, c'était hier. Ah, dommage. Ouais, mercredi 15 avril, aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'art. Alors créez aujourd'hui, mes petits artistes en herbe. C'est la journée mondiale de l'art? Oui. Genre, ok. Sur le reste de l'année, on s'en bat les couilles, c'est ça le... Exactement. Mais aujourd'hui, tu as le droit d'être un intermittent. Bah ouais, les intermittents, c'est pas le bon jour pour eux non plus, depuis un mois, je pense. Alors, dans les fêtes, il y en a plusieurs, c'est vraiment bizarre. Il y a... Alors, bonne fête au pattern. On a le même tempo, mais pas le même pattern. Voilà, bonne fête au pattern, au Anastasie. Et donc toutes les variantes d'Anastasie, Anastasia, j'ai vu les Vassili aussi, je crois, des trucs comme ça, c'est en même temps. Ok. C'est le même, voilà. On est sur un truc plutôt bien à l'est, bien plus à voilà. L'est. Et bonne fête à Cesare. Et là, à César, voilà. À César qui nous écoute pas, c'est d'ailleurs. Oui, in Italia. Cesare, per favore. Je ne parle plus italien. Voilà, c'est bien qu'elle le réalise toute seule, ça facilite la tâche pour ses collègues, parce que c'est tout le temps nous qui devons lui favoriser ses épiphanies, c'est usant à la force. Mais non, mais avant la fin du confinement, je vous fais un lancement d'émission en italien. Ouais, Doug, vous en pensez quoi? Bah comme ça, nous, on peut le préparer en allemand, comme ça nous fera un petit moment nostalgie. Oui, ça dépend de quelle époque. Bah c'est ça, bah l'Italie et l'Allemagne main dans la main quand même. Alors, si vous voulez savoir, c'est arrivé un 15 avril. Ça ne veut rien dire ma phrase, mais c'est pas grave. Si vous voulez savoir, c'est arrivé un 15 avril. Mais c'est normal, hein, ça fait un mois quand même, hein, mine de rien. On perd certaines capacités cognitives à force. Vous connaissez le principe de l'émission. Vous savez qu'on fait l'éphéméride. Et donc voilà, ce sont des événements qui se sont passés un 15 avril. Donc 15 avril 1863. On pourrait faire un petit laïus introductif pour ceux qui viennent d'arriver là et qui, allument juste leur lien web radio tout de suite et qui ne savent pas ce que vous allez faire maintenant. Alors ça va aujourd'hui. Hein. Alors, ça fait que 5 minutes qu'elle a commencé cette émission, je croyais que ça faisait 40 minutes là, oh la vache. On va pas y arriver. Donc, le sachiez-vous, c'est... à 15 avril. Ouais, c'est les nerfs. Ce qui est pas mal avec vous, chers auditeurs, c'est que peut-être qu'on va snapper, qu'on va partir en vrille à l'antenne et que vous serez plus à même d'appeler les secours à ce moment-là, peut-être, pour qu'on s'occupe de nous rapidement. C'est vrai. Une grosse commande de Xanax, peut-être, un truc comme ça. Alors, c'est arrivé un 15 avril 1865, l'assassinat d'Abraham Lincoln. Ah oh bah, ça, hein. Voilà. Yes, alors... C'était une passe-dé pour une blague ou... Mais non, je sais pas, j'attendais une réaction de votre part, il n'y en a pas eu, voilà. Bah, il s'est bien fendu le crâne sur ce coup-là, il a vu, je sais pas, il faudrait une blague sur le théâtre. Paf quoi. Bon, alors, il s'est fait buter au théâtre. Le jour de la journée de l'art. Ouais, putain, les boules, le mec, journée de l'art, paf, il dit bon, bah, je vais emmener maman au théâtre et tout, et il se fait tirer de... Et il se fait tirer dessus, hein. Et c'était la fin de la guerre civile. Comme on dit chez moi, c'est la guigne. Ah oui, mais ça c'est, ouais. Le 15 avril 1945, les troupes britanniques libèrent le camp de concentration nazi de Bergen-Belsen. Alors, qui se situe où? Non, on va pas faire de vannes là-dessus, il y a quand même des limites à la connerie. Bergen-Belsen, je ne sais pas, je dirais... Alors, vous prenez les paris, c'est où, pour vous? Bon, ça sent l'Allemagne, mais pourquoi? Ça en est près de Berlin? Mais non, il n'y en a pas près de Berlin. Alors, votre avis, c'est dans quel pays? Bah, Bergen-Belsen, moi je dirais Allemagne, mais c'est surtout... Près des montagnes. Près des montagnes? Eh ben c'est en Allemagne, c'est en Basse-Saxe. Basse-Saxe, très bien. Voilà. Donc c'est Basse-Saxe, dans la lande de Lunebourg. C'est donc à l'extrême est, voilà. Ça n'a rien à voir avec le Berghain à Berlin? Non, rien à voir. Non, non. Mais les troupes allemandes vont essayer de libérer le Berghain, je crois, bientôt. Voilà. Oh, la vache. Alors, le 15 avril 1999... C'est l'élection d'Abdelaziz Bouteflika. Il devient président d'Algérie. On l'appelle le petit bonhomme à mousse au pays. Voilà. Bah voilà, non mais c'est le troisième volet du film Weekend at Bernie's. Je sais pas si vous connaissez ce film là. Ouais. Où des mecs vont en week-end chez leur patron, ils le trouvent décédé et ils font semblant de le faire vivant tout le week-end parce que. Pour pas gâcher leur week-end là. Et bah Bouteflika c'est pareil sur plusieurs mandats. C'est assez impressionnant. Bah depuis 99 hein, du coup il est là. Enfin, il est là. Bah personne ne sait vraiment hein, écoutez. Hein. Je crois qu'il cligne des yeux. Deux coups c'est oui, un coup c'est non. Et voilà, ça s'arrête là. Quand il cligne plein de fois d'affilée, c'est qu'il fait une syncope, c'est ça. C'est ça. Le problème c'est que ça fout vite la merde hein, quand il faut écrire un discours. Hein. Et puis bah, 15 avril également, 15 avril plutôt récent, hein, 15 avril 2019, c'était l'incendie de Notre-Dame de Paris. La colère de Dieu va s'abattre sur la France. Exactement. Je sais pas vous, mais moi j'étais un peu oh waouh. C'était un peu ma réaction, oh waouh. Ouais, c'était BFM aussi pendant 5 heures d'affilée. Moi, c'est ça qui m'a plus traumatisé de l'incendie de Notre-Dame, c'est qu'après, on a regardé BFM pendant très longtemps d'affilée. Et moi, ça me traumatise énormément. Bah, en même temps, oui, BFM. Mais bon, j'avoue que d'avoir vu le clocher s'effondrer, la flèche du cœur s'effondrer, j'étais un peu... Oh mon Dieu! La médiéviste en moi avait un petit peu mal au cœur. Mais la flèche, elle est même pas du Moyen-Âge. Non, mais... Oh snap. L'édifice en lui-même, la charpente... Battle l'historien, allez-y. Et moi je te dis 1515 Marignan, qu'est-ce que tu veux répondre à ça? Je te réponds 98 Coupe du Monde 98. Ah bien ouais. Non, ça c'est la carte qui gagne à tous les coups. Moi je te réponds 1415 et 3 Zizou. Enfin bref, les juste quand même, oui. C'est pas, comme, pas ma cam qui a quand même parlé d'un truc qui m'intéressait là sur les prénoms. Elle a quand même un Josué, elle a un pattern dans sa classe et même un Josué pattern. Ça je trouve ça. Bon bah j'imagine que ce gamin dans la vie ça va être très très dur pour lui. Ah bah oui, il a pas le même le niveau de difficulté dans la vie que nous quoi. Ouais, c'est ça. C'est... Quand le best-of des clashs sur la radio des bons cons. Intéressant, intéressant. Mais bon, alors les anniversaires, hein, parce que bon... Ouais, les birthday, birthday, wouhou, wouh. Pourquoi il est réécrit celui-là encore? Parce qu'il... Non. Alors je commence par lui peut-être. Mais alors, vous l'avez dit hier. C'est la... Mais non, j'ai dit hier que Pol Pot avait été élu Premier ministre du Cambodge un 14 avril. Et en fait, il s'avère qu'aujourd'hui... Ah putain, il est mort le lendemain. C'est la mort de Pol Pot. Il est pas la même année, évidemment, 98. Mais voilà, Pol Pot, c'est trop mon pote. Il est mort... son anniversaire de sa mort, voilà. Bah demain, ça va être quoi, la première fois où il a fait caca? Ouais, non, mais c'est clair. Mais de toute façon, vous voyez, Doug, on est sur une forceuse de premier ordre. Putain. Ouais, ouais. Je suis pas une forceuse. Faut pas croire. Ça baisse Pol Pot. Ouais, désolé. N'encouragez pas. Hein. J'aime bien des spoilpots. Allez, les anniversaires du jour. Il y en a plein. Aujourd'hui, joyeux anniversaire déjà à ma copine Mathilde Lagarde. Joyeux anniversaire, Mathilde. Wouh! C'est aussi l'anniversaire de Typhon. L'anniversaire de Typhon de la radio des bons cons. L'anniversaire Typhon. Wouh! C'est aussi l'anniversaire de. Alors, Mathilde. Et Typhon, vous partagez votre anniversaire avec Léonard de Vinci. Le mec avec le bouquin, là. Trop bien, le Da Vinci Code, j'ai adoré. C'est tout, quoi. Waouh. Je l'ai mal dit, fait que je le disais à l'italienne. Leonardo da Vinci. Si. Putain. Bon bah voilà, c'est son anniversaire. C'est aussi l'anniversaire de Eugène Poubelle, le préfet de Paris qui on doit les poubelles. Ta coco pata poubelle, nasty patata. Voilà, c'est tout ce que ça m'inspire. Bon bah les autres je passe un peu sinon on va pas y arriver. C'est qui Durkheim? Parce que moi je l'ai vu, il a un pont à lui à Nantes. Ah mais c'est un sociologue, autant pour moi je suis con. Donc voilà, ouais, c'est son anniversaire. Sinon il y a Nikita Khrouchtchev. Il y a Josiane Balasko aussi, c'est son anniversaire aujourd'hui. C'est l'anniversaire de Django Edwards aussi, je sais pas si vous voyez qui c'est. Ouais, mais ça c'est une référence old school. Hein. Ouais, c'est très très très old school. Si vous tapez Django Edwards avec Antoine Decaune et José Garcia, vous pourrez trouver des trucs marrants. Sinon, c'est aussi l'anniversaire de Emma Thompson. Love Actually. Exactement, Love Actually. Bon, c'est un parmi tant Harry d'autres. Harry Potter aussi. Attendez, elle fait qui dans Harry Potter? Elle joue la prof de divination. Oh putain, mais oui! Ah ouais, bien grimé. Autant pour WAM. Ah ouais! Voilà, la prof de divination. Et puis elle joue aussi dans pas mal de films de son ex-mari. Qui jouait Gilderoy Lockhart dans Harry Potter. Ah, Kenneth Branagh. Exactement, elle joue dans plusieurs films de lui. Voilà. Qui sont très bien. Emma Thompson, on l'aime fort fort. C'est également l'anniversaire de Philippe de Belgique, roi des Belges. Voilà. C'est son anniversaire. S'il y a des Belges qui nous écoutent, bon anniversaire à votre roi. À votre roi. Pourquoi c'est une... Je sais pas, j'avais envie d'utiliser. Ouais. Oyez, oyez, le chevalier est mort pour le roi. Piou. C'est l'anniversaire de Philippe Lucas aussi, qui était l'entraîneur de Manoudou. Ouais. Et qui disait que de la merde. Qui est très beau. On essaie de chercher des trucs marrants à lui faire dire. En fait, c'est juste beau, quoi. Ouais. C'est également l'anniversaire de Bruno Le Maire. Voilà. Ouais, on t'encule, Bruno. Natacha Polony aussi. Ah, mais dis donc. Joachim Son Forget. Alors, c'est le. Pour ceux qui savent pas. Ah oui, tu me laisses. Putain, tu me laisses la troisième fois que tu me l'expliques en 10 heures à chaque fois. C'est le mec qui a été exclu de La République En Marche parce qu'il a dit plein de conneries. Et aussi, c'est lui qui a leaké le site sur lequel avait leaké les photos de la bite de Benjamin Griveaux. Je voulais pas. En gros, voilà. C'est... Ah, mais je vois la tête qu'il a, ça y est. Vous voyez, Joachim. Je sais pas comment on prononce son nom, Joachim Son Forget. Son, je pense, Son si, c'est à la, si c'est à la coréenne. Ouais, il est. Ouais. Il s'est fait virer, le pauvre Exactement. Coco. Exactement. Bah oui, c'est... bah, pauvre Coco, non. Et pourquoi il a sorti les images En fait, c'était quoi? C'était parce qu'il voulait de l'avancement. Il allait donc qu'il règle. Enfin, c'est quoi l'intérêt de faire ça à son propre parti? Moi, je. Ah, mais il était plus, il a été exclu. Il y a quelques ah, moments, c'est quoi. Une vengeance. C'est comme dans Koh-Lanta quand le mec il éteint le feu en se barrant. Mm. Ah, j'adore cet état d'esprit. J'adore. Il a voulu faire une Benzema. Mais non, mais je pense que tout comme Jean-Vincent Placé, il essaye de se faire élire, quoi. Ouais. Mais c'est des méthodes tout en disant de la merde, quoi. Voilà. Un peu limite comme argument électoral, quoi. Et la bite de Griveaux, c'est moi. Ouais, apparemment, il est candidat pour les présidentielles 2022. Yes, c'est également aujourd'hui l'anniversaire de Seth Rogen. Seth Rogen, je pense que vous savez tout ce qu'il sait. Il est reconnaissable par ce rire. On va pas entendre beaucoup. Bon bah moi en vrai son rire son rire me fait rire vraiment tout le temps. C'est également le sosie de César Priou. C'est vrai, c'est son sosie. Et alors bah on aime hein, Seth Rogen super grave notamment. Bah, il a produit une série qui change un peu des trucs potages qu'il a fait, c'est Preacher, qui était vraiment trop cool, qui est adapté du comics. Je sais pas si vous en avez déjà entendu parler, Doug. Bah, j'en ai entendu parler, mais j'ai jamais regardé. Ah, bah, c'est vraiment ouf, hein. C'est une super série avec l'acteur qui jouait dans Misfits, là, le vampire. Non, qui jouait dans Misfits, comme il s'appelle, Rudy. Qui jouait Rudy, ah j'oublie son prénom. Enfin c'est une super série qu'il a produit, pour le coup c'est aussi humoristique et un truc d'action, mais ça change de ses trucs potaches, c'est un truc un peu plus couillu, et pour une fois en termes de producteur, il a un peu un changé de style. Et puis bah c'est une série qui défonce, je le recommande. Bah de toute façon en général ce que fait Seth Rogen c'est vraiment bien. En plus si vous le suivez sur Instagram c'est très marrant, le mec fait de la poterie, mais genre vraiment hyper bien, et il fait plein de sandars pour ses gros tonges. Donc voilà, il est très drôle à suivre aussi sur Instagram, ce mec. Donc voilà, je vais vous dire ça, Seth Rogen. Alors, il y a Sepa Makem qui nous dit qu'apparemment, Joachim Son Forget est candidat pour les présidentielles 2022. Ah merde. J'ai pas envie de critiquer, mais ça a déjà été dit par Kemal. Excusez-moi, j'étais ailleurs. D'accord. Pardon. Je sens que c'est ma fête aujourd'hui. Hein. Alors, aujourd'hui aussi, c'est l'anniversaire d'Emma Watson, qui jouait Hermione Granger dans Harry Potter. Ah bon ? J'ai jamais entendu parler. Inconnu au bataillon. Non, clairement. C'est trop chiant. Tu voulais pas plus de dire Emma Watson. Et aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de Maisie Williams, qui jouait Arya dans Game of Thrones. La sauveuse de Westeros. Ah. Voilà. La MVP. Voilà, j'ai fini mon éphéméride. Bah non. Non, j'ai pas fini. Bah non. C'est l'anniversaire d'Ed O'Brien. O'Brien. Comme Game of Thrones aussi. Le guitariste de Radiohead. Voilà, balance. Allez, on va s'écouter du coup en mode 2+2=5, le morceau référence à 1984. Puisqu'on est dans un délire un petit peu dystopique nous-mêmes dans la vie de tous les jours actuellement, on s'est dit que c'était un peu l'ambiance. Such a dream. Prague. Buongiorno. Hola. Good morning. T'en veux plus de rester chez moi? Bonjour. C'est toujours sur la radio des bons cons. Alors, on avait quelques petites précisions, je crois, de Doug sur l'éphéméride. Snoop Doobie Doug. Oui, alors, on a oublié un homme qui n'est pas forcément connu de tout le monde, mais qui est très important, qui est Leonhard Euler, qui est un mathématicien suisse qui a beaucoup développé les mathématiques. Si vous avez fait un peu de maths ou de sciences, vous en avez, je pense, forcément entendu parler. Et aussi une autre information que je trouve ça bizarre que Chloé ne l'ait pas fait remonter, mais c'est le jour de commémoration de la naissance de Kim Jong-un en Corée du Nord. Du coup, on salue tous nos auditeurs nord-coréens. Bonjour. Vous pouvez nous parler rapidement de trois caractéristiques de Kim Il-sung, là, Doug. Bah alors, il était petit, méchant, aigri et communiste. Non, c'est pas comme ça caractérise. Merci, camarade. C'est un beau portrait. Alors, eh bien, comme tous les matins également, nous avons notre invité. Notre invité du jour est en ligne. Bonjour, invité. Bonjour. On dirait entendre Chloé. C'est... Pouvez-vous vous présenter, invité du jour? Bien, je suis une petite personne. Je suis Mona Jandry. Oh, waouh. Je m'y attendais pas du tout. Surprise. Alors, Mona, comment se passe votre confinement et si on pouvait plutôt parler surtout de votre morning routine? Eh bien, mon confinement se passe plutôt bien, hein, parce qu'au final, j'ai l'impression que c'est passé vite, moi, le mois, là. Peut-être que ça va commencer à être lourd, mais pour l'instant, moi, ça va. Et ma morning routine, c'était plutôt simple jusque-là, vu que je me lavais pas les cheveux, c'était très rapide. Vous faisiez la cure de sébum. Routine, ça consistait à mettre un réveil commencer à mettre un réveil à 8h et me lever vers 9h. Et puis après, prendre une petite tasse de céréales ou une tartine et enregistrer un chapitre d'Harry Potter. Puis ensuite, me connecter pour la matinale de Radio Boncon pendant que je fais ma toilette. Voilà. Alors, je pense juste à se brosser les dents, en fait. Vous ne prenez pas de petit déjeuner le matin? Comment? Vous ne prenez pas de petit déjeuner? Ça dépend, en fait. Je prends juste un petit truc léger, parce que sinon j'ai plus faim le midi. Et on mange à des heures parentales ici, donc je m'adapte. Je mange vers 13h le midi, quoi. Puisque vous êtes confiné donc avec vos parents à Oudon? Oui. Oui, c'est ça. Donc on garde un rythme sérieux. Wow. Ouais, c'est assez rythmé, mes journées, quoi. Mais alors, on a des... Nos auditeurs hein, nous font remarquer que vous êtes très matinale. Bah ouais, je suis jamais d'habitude. Mais là, j'ai décidé de mettre... Depuis le début du confinement, je mets un réveil, en fait. Parce que on n'avait pas vu le soleil depuis des années, j'ai l'impression. Et du coup, j'avais pas envie de me lever à midi et de louper la moitié du soleil de la journée. Du coup, j'ai entrepris de mettre un réveil à 8h. Après, tu m'as une heure avant d'émerger, mais comme ça, j'ai eu le temps de faire des trucs avant la matinale et j'ai l'impression de... ça me donne des buts dans ma journée, quoi. Eh ben, vous avez bien raison. Ça fait un peu moins d'un an que j'ai pas bossé ni rien. Et du coup, j'ai jamais eu une vie aussi... rythmé, un quotidien aussi rythmé que depuis le début du confinement, quoi. C'est un peu l'inverse. Alors, j'invite également nos auditeurs à poser les questions s'ils veulent vous poser des questions. Moi, je voulais savoir également comment se passe pendant votre confinement, comment s'est passée votre cure de sébum? Eh bien, très bien. Cette cure de sébum, j'y ai mis fin hier. Et je dois avouer que c'est une sorte de renaissance. Je ne sais pas si mes cheveux sont vraiment plus doux ou si c'est parce que j'avais oublié ce que ça faisait d'avoir des cheveux propres, mais c'est très agréable. Les cheveux d'une douceur et d'une légèreté. Je me suis rendu compte hier qu'ils volaient au vent et que c'était gênant, mais que ça faisait un mois qu'ils ne volaient plus au vent et qu'ils étaient juste alourdis de gras et figés. Et je, voilà. C'est un très grand plaisir depuis que je me suis lavé les cheveux. Vous sentez mieux. telle Maria Carré. Et alors, est-ce que vos parents ont fait une cure de sébum également? Non, non, je suis la seule parce que maman travaille, elle va travailler, donc elle se lave les cheveux, elle connaît le monde extérieur. Papa, lui, il voit personne, mais il se lave quand même les cheveux. Mais donc, bon, ça fait moins de taf déjà. Les ouvriers n'ont pas repris le travail. Enfin, en tout cas, lui, dans sa boîte, ils n'ont pas repris le travail. Papa, il travaille, il fait du travail de bureau, lui, en fait. Oui, il fait les devis, les choses comme ça. Il n'a pas arrêté de travailler depuis le début du confinement. Il a fait du télétravail. Et en ce moment, il retourne au bureau, mais il ne croise personne, mais juste pour se mettre dans l'ambiance travail. Ok, et les chantiers ont repris quand même? Quoi? Les chantiers ont repris? Alors, je crois que là, ils étaient rendus à... qu'ils étaient en train de relancer un chantier. Mais alors, il faut que je repose des questions quand ils rentrent. Où est-ce qu'il en est? Normalement, il ne travaille pas le mercredi, mais il est parti travailler quand même aujourd'hui, justement, parce qu'il relançait, je crois, un chantier. D'accord. Alors, il y a C'est pas ma cam, qui demande Mona, un sphincter, ça dit quoi? Je ne ferai pas avoir. Je suis une fidèle auditrice, je connais cette blague. Moi, je la connais pas. Nous, on la connaît pas. Vous ne m'aurez pas comme ça. Mais on ne la connaît vraiment pas, par contre, nous, et Kéman. Doug, vous la connaissez peut-être, vous pouvez nous... Bon, Doug. On a perdu Doug aussi, voilà. Un sphincter, ça dit quoi? Et si on dit quoi, ça fait, vous faites prout, c'est ça? C'est que c'est vraiment cette blague-là que j'ai pas connue depuis Joubert. Bon, il y a un truc... C'est dans Wayne's World. Ah... Ok, d'accord. Donc en fait, le but, c'est de faire dire quoi à son interlocuteur pour ensuite lui faire... Exactement. Voilà. Il faut dire très vite parce que les gens, ils comprennent pas. Ouais. Ok, bon, on a appris une blague aujourd'hui. Moi, ça m'occupait pendant les cours de mathématiques en première. Voilà. Il y a beaucoup de questions, là. Il y a des questions. Ça s'emballe. Alors, c'est pas Macam qui demande si vous pouvez nous faire la voix de Dobby. Ah non, c'est juste pendant les temps d'enregistrement, il me faut un texte, là j'ai pas tous les yeux, je peux pas improviser. On nous demande un tuto Jack Black. Pareil, alors, vous imitez très bien Jack Black. Oui, c'est vrai que je vous devais une photo, mais j'arrivais pas, le chat était, au moment où vous me demandiez, le chat était sur mes bras, et je ne pouvais pas prendre de photo. Donc, pour le tuto de Jack Black, vous avez besoin de vos bras, c'est important. Vous placez vos doigts sur votre arcade sourcilière au niveau du nez, dans la zone T, dans le croisement de l'arcade sourcilière et de l'arête du nez. Ouais. Vous posez, vous appuyez sur ce petit bourrelet que ça forme, ou alors il n'y a que moi qui ai un bourrelet de front, je sais pas, mais normalement il y a un petit bourrelet, un peu de chair. Vous poussez vers le bas cette chair et vous relevez les sourcils. Et vous faites une sorte de sourire avec les lèvres rentrées, et ça fait un très bon Jack Black. Ah, mais quand je relève les sourcils, j'ai plus de plis, ouais. c'est ça marche pas du tout. Alors, je confirme que ça ne marche pas du tout sur Kéman. Ah, il est peut-être pas assez gros du front. Exactement. Bah, faut que je l'engraisse. Faut que je m'engraisse le front. N'hésitez pas à envoyer vos photos, imitations, tuto Jack Black. Ça nous ferait très plaisir. Alors, Mona, il y a Jean-Jean qui demande à quoi ressemblerait votre paradis. Alors, mon paradis, ce serait, je pense, une sorte de rivière ou de torrent qui passe entre des montagnes remplies de forêts. Et il y aurait plein de nature et plein de... Tu pourrais parler aux animaux. Et y aurait des copains qui seraient là aussi pour faire des beaux feux de camp et tout le monde saurait jouer de la musique, comme ça ce serait pratique pour faire des bœufs. Et il y aurait de la bonne nourriture, tant qu'on est à tout ce qui est c'est mauvais pour nous ou pas. Voilà, ce serait dans la bonne entente, le bonheur. Loisiveté totale, hein. Loisiveté. Et bien c'est magnifique. C'est très très beau. Moi, il y a juste un truc, si on comprend les animaux, ça veut dire que si ça... Parce que bon, les animaux, quand même, ils se reproduisent pas mal au printemps, tout ça. Ça veut dire qu'on les entendrait niquer? Bah Bah peut-être, hein. Déjà vous les entendez, c'est juste que vous les comprenez pas forcément. Mais bah voilà, les entendez, bah, si on se met à les comprendre, voilà, est-ce que ce sera pas un peu gênant, un peu malaisant? On oserait peut-être plus aller dans la forêt ou... Je pense qu'on peut mettre, on peut, vu que c'est mon paradis, on sait qu'on peut switcher sur off quand on en a marre. Ah, bien vu, habile. Voilà. Faut que ça reste un plaisir quand même. On va s'écouter une petite musique et puis on vous reprend juste après. D'accord. Ah, on va s'écouter un petit Hocus Pocus parce que vraiment j'en aime fort fort fort fort. Ça s'appelle Vocab. Hocus Pocus in the place to be. Percussions. I check it out one time. Yeah, je voudrais que mes mots sonnent comme check it out. Que quand t'écoutes tu dis you know what it's all about. Ou bien no doubt. C'est parce qu'il claque sur basse, qu'il bloque au sol, qu'il fuck, qu'il craque et il claque au sol. Come on. Ma langue à l'histoire, les racines et le sens. Là leur à les stars, fashion et le slang. No shit on me. Putain d'accent, je veux le même dans mes textes. Mais quand je rappe qu'un rythme, tout le monde me dit who's next? Ils me disent tous le yaourt abandonne. Alors en scratch, je fais tourner la MPC. J'improvise Danone sur mon coin d'hexagone. J'examine la donne entre Shakespeare, Stallone. J'expire, tâtonne pour trouver mon truc, assumer mon langage. Même si chez moi les airs sonnent et que eux les mâchent. On a leur PC, leur sandwich et leur chewing-gum vert. Et eux, on notre savoir-faire. Je veux pas de terre. Fuck. Pas de terre. Shit. Pas de terre. Motherfucker. Je veux pas de terre. Nigga. Pas de terre. Bitch. Pas de terre. Sucker. Je veux pas de terre. Fuck. Pas de terre. Shit. Pas de terre. Motherfucker. Je veux pas de terre. Nigga. Pas de terre. Bitch. Pas de terre. Sucker. Yeah. Know what I'm asking for? Maximum degree. I'm actually asking if you see. I'm passionate MC. I'm past masking who I be. I pay my dues, it's like if they playing, you're like deja vu. I'm saying, dude, they're giving us the same one-liners. Money, drugs, guns, honeys, thugs, mining for gold, cash, diamonds in the ears of deaf soldiers. Yo, I'm holding fast and rhyming for the years they left over. Bon, oui, oui, be still mon coeur. Sometimes when I be chilling, I can understand a word or two, maybe three, good day six. But most of the time, French rhyme shines in bits. Many times it's the point that I miss. But if I like it, I bump it. But I won't know the gist. I hum a long riff. Mais j'ai pas ce quoi. I never know the meaning, but that feeling be wrong. Now on the regular, not a church girl, she was secular. Not about the money, somebody redirected her. I know I met her at an earlier age, but she don't look the same way on the page. Got a brother confused, and I ain't willing to lose. You can believe me a fool when it's cool, cause after all of this music, I tell her je n'ai pas pas français. But when the rhythm is cool, it doesn't matter if together we move. Come on, come on. Je veux pas de terre. Fuck. Pas de terre. Shit. Pas de terre. Motherfucker. Je veux pas de terre. Nigga. Pas de terre. Bitch. Pas de terre. Sucker. Je veux pas de terre. Fuck. Pas de terre. Shit. Pas de terre. Motherfucker. Je veux pas de terre. Nigga. Pas de terre. Bitch. Pas de terre. Sucker. Yeah, yeah. Je leur ai piqué des mots de ci, de là. Et mon chant lexical vaut pas plus de 6 dollars. Je me prends pas pour J.D. là, loin de là. Je reste fan, bref, J$, plein de gars. One love. Parce que trop de classiques me mettent presque en transe. Mais parfois je tombe de haut quand j'en saisis le sens. On se moque du fond tant qu'on atteint la cible. Résultat, plus de bip que de mots intelligibles. Let's f*** that motherfucker in that. Pardon? Once again. Non, non, non, passons. J'aime ma langue natale, mais je dirais pas tellement qu'elle a la musicalité d'un régiment allemand. Je suis né ici, pas une NYC, parfois plutôt fier. Quand j'arrive à faire chanter ce foutu vocabulaire, on a leur soda, le best of du business de Bush Fist. Et eux ont notre French kiss. Je veux pas de terre. Fuck. Pas de terre. Shit. Pas de terre. Motherfucker. Je veux pas de terre. Nigga. Pas de terre. Bitch. Pas de terre. Sucker. Je veux pas de terre. Fuck. Pas de terre. Shit. Pas de terre. Motherfucker. Je veux pas de terre. Nigga. Pas de terre. Bitch. Pas de terre. Sucker. I like your peace. Like your unity. Like your love. Love. I like your jazz. Like your soul. Like your hip hop. I like your peace. Like your unity. Like your love. Love. I like your jazz. Like your soul. Like your hip hop. Salut. Pardon, on rigole, on rigole, on antenne, on se marre trop. Alors, On est toujours avec Mona. Toujours avec au bout du Mona. Film. Alors Mona, des questions pour vous, Mona. Sur le chat, le Discord. Loyo qui vous demande, Mona, un conseil lecture pour ce confinement. Un conseil lecture. En ce moment, je lis beaucoup de. J'ai fini le Miroir d'ambre parce que j'avais jamais fini en fait. Du coup voilà, de Pullman, je sais pas plus. Non attends. Moi je sais plus si c'est cet auteur là. Et je lis beaucoup les Harry Potter à l'antenne. Et je voulais commencer. Merde, j'ai oublié le titre, du coup j'ai chopé des bandes dessinées genre Angor, je sais pas si vous connaissez. Sinon j'allais commencer un livre de Terry Pratchett. Voilà. Bah beau programme lecture, dites-moi, vous êtes beaucoup plus assidu en lecture que moi, hein. Personnellement, j'ai du mal à lire. Bah, c'est que je vais lire dehors en fait, du coup c'est un moyen de profiter du soleil. Une activité qui fait profiter du soleil. Je monte sur le toit, en fait, on a mis l'échelle pour pouvoir monter sur le toit. Trop bien. Et je monte une chilienne et j'ai eu un coup de soleil à cause de ça. Et je bronze uniquement du visage. En fait, je sais pas ce que... On connaît le bronzage agricole, le bronzage cycliste. Je sais pas ce que ça donne le bronzage confinement, plus la tête. Voilà. Il y a Jean-Jean qui nous demande, Mona, allez-vous écrire des fanfictions? Parce que je rappelle aux auditeurs qui ne savent pas que Mona a fait une chronique sur les fanfictions. Eh bien, pourquoi pas, hein. Je peux prendre, je pense que je vais faire ça pour les anniversaires des potes. Je vais leur offrir une fanfic de eux incrustée dans le roman de leur choix. Ou ça peut se faire. Est-ce que vous prendrez un parti pris artistique à ce moment-là? Bah, je peux vous incruster dans Twilight, y a pas de souci. Hein. Faudrait que je le dise par contre. Non mais ne vous embêtez pas, parce que de là à lire Twilight juste pour une blague, c'est quand même aller vraiment très très loin dans la blague. Ouais, et puis en plus ça voudrait dire briser le confinement pour aller les acheter et tout. Je vous incrusterai ailleurs. Il y a Hubert Félix Typhon qui nous dit, Mona, est-ce que vous êtes toujours chaud pour organiser une chasse au trésor en partenariat avec la radio des bons cons? Oh yes, ah, je suis hyper chaud. On parlait de ce projet-là suite à la chasse au trésor organisée par Monsieur Théo, où il m'a incrusté dedans et j'ai dû intervenir téléphoniquement dans sa chasse au trésor. Et on se disait, pourquoi pas organiser une chasse au trésor radiophonique. Mais alors, faut qu'on bosse un peu le concept, faut qu'on voit comment on pourrait adresser des énigmes aux auditeurs. Et faudrait qu'ils nous envoient une photo du truc qu'ils ont trouvé, par exemple, et... Je sais pas, faut qu'on fasse un brainstorming. Oui. Ce serait super chouette. Ce serait très chouette, ouais. Mais par contre, faut qu'on pense surtout que voilà, nos auditeurs sont quand même éparpillés dans toute la France. Oui, mais il faut que ce soit genre des objets qui devinent, qu'on leur fasse deviner, genre des objets que tout le monde a, par exemple, des clés. Exactement. Voilà. Et alors, on balance. Loyo nous demande quelques précisions. Il nous dit, à propos de lecture, j'ai dans ma bibliothèque Les Enfants de la Terre, mais seulement le sixième et pas ceux d'avant. Est-il possible de commencer par celui-ci directement ou faut-il impérativement tous les lire avant? Je sais que c'est une saga que vous affectionnez. Les Enfants de la Terre, il a le sixième, mais il n'a pas les premiers. Moi, je connais pas Les Enfants de la Terre, moi. Ah bah voilà, Loyo, vous êtes trompé. Vous êtes trompé de personne? Je sais pas. Bah, peut-être vous pouvez quand même lui répondre. Faut-il peut-il commencer au sixième ou si c'est pas grave s'il l'a pas lu ceux d'avant? Eh bien, il peut essayer de lire les résumés sur Wikipédia ou quelque chose de ceux d'avant pour se mettre en jambe pour le sixième. Ah, c'est un excellent conseil. Merci, Madame Mona. De rien. Madame Mona, on va bientôt se quitter. Est-ce que vous avez peut-être des choses à nous conseiller pendant ce confinement, des films, des livres, des séries Preacher, c'était vraiment chouette comme série, j'étais d'accord avec ça. Sinon, j'aime beaucoup Sherlock, et dans les séries dont je me lasse pas, humoristiques, il y a Community qui a été mis sur Netflix il y a pas longtemps. Donc Community, c'est vraiment très très drôle. Sinon, hors Netflix, Brooklyn Nine-Nine m'a fait découvrir aussi, Modern Family aussi, bah, les trucs où tu peux t'arrêter quand tu veux, parce que les séries de tension où ça te suit, c'est un piège. C'est un piège et tu disparais pendant 3 jours le temps de finir. Bon, là, c'est l'occasion de disparaître aussi pendant 3 jours. Hein. Bah non, il y a quand même une radio bon con à faire tourner. Et peut-être un conseil musical pour les auditeurs. On est une radio, après tout. Moi, j'ai un problème. Je connais jamais les titres des musiques que j'aime bien. C'est donc le même problème que Kéman a, mais pour les films. Quoi ? C'est le même problème que Kéman a, mais pour les films. C'est ça, mais sauf que c'est plus dur de décrire une chanson pour le jeu. Ouais. Surtout quand tu sais pas chanter, c'est compliqué. Mais moi j'ai une radio bon en ce moment. Hein. Sinon, je peux vous conseiller ma clé USB que je mets dans ma voiture. Mais, voilà. Très bon conseil, on essaiera de se la procurer. Merci Madame Mona. Bah, mon plaisir. Et les gros bisous. On vous embrasse très fort. C'est un petit chiffon dont c'est l'anniversaire. Eh ben, je pense qu'elle est connectée et qu'elle vous a entendu. Super. Bisous Madame Mona. Bisous. Eh bien, on va parler... On continue l'émission. Non, on arrête tout. C'est fini, khalas. C'était trop intense d'avoir Mona, on arrête. Ah mais maintenant que l'idée est lancée, j'ai presque envie d'aller fumer une clope maintenant là. Bon, on va parler un peu musique, allez, c'est bon, on fanfaronne. Donc hier, on a parlé Bossa Nova, lundi, on a parlé petit tricks de production. Là, je vais revenir à parler d'un seul artiste, d'un seul musicien. Évidemment, on reviendra à des délires de production, parce que moi, c'est ce qui me passionne dans la musique, au-delà de la composition, j'aime beaucoup toute la technique. On va pas totalement être éloigné du sujet, parce qu'on va parler de Devonte Hines, qui est un artiste qui est aussi également un producteur, qui a produit moult individus, dont certains que vous connaissez très très bien. Attention, je tease. Donc Blood Orange, c'est Devonte Hines, qu'on appelle aujourd'hui Blood Orange, c'est son nom de scène, mais il a eu d'autres groupes, il est passé par d'autres phases, donc c'est un musicien britannique, londonien, d'une mère guyanaise et d'un père du Sierra Leone. Aujourd'hui, il fait principalement carrière aux États-Unis, mais à la base, il a commencé en Angleterre avec un projet qui s'appelait Lightspeed Champion, donc à la fin des années 2000, à cette époque où il y avait l'indie qui fonctionnait à fond. On était sur une config très, très rock basique, hein. On avait le batteur, le bassiste, batterie, bassiste, guitare, quelqu'un au synthé, piano, et de temps en temps un petit violon. Donc à cette époque-là, à l'époque de Lightspeed Champion, voilà, il a tourné avec pas mal de musiciens sur scène, notamment il y avait Anna Prior, la batteuse de Metronomy, qui a tourné avec lui pendant un an et demi, voilà, pour les gens un peu notables. Et puis après, ce projet a disparu, et donc il a sorti un album en 2008 et en 2010, et puis ce projet a disparu. Devonte Hines a dû se faire opérer des cordes vocales, il a donc arrêté la musique pendant un an et demi, 2 ans. Et il est revenu avec un nouveau projet totalement différent. On n'est plus dans l'indie rock qui pouvait se faire au Royaume-Uni. Il s'est exporté aux États-Unis où il vit actuellement et il s'est renommé Blood Orange. On va directement écouter un des premiers morceaux qu'il a pu faire, qui est sorti, un morceau qui est sur son deuxième album peut-être, qui s'appelle Augustine. Et on voit que la patte a changé, on est plus parti sur un délire R&B, voire soul. Même si on sent encore dans les guitares son amour pour l'indie. On écoute ça, s'appelle Augustine de Blood Orange. you should feel. Tell me that you lose your son. Tell me that you lose your love. Cry and burst my deafness. I cave and fall asleep. The things that I can't do to you. The things that I can't do to you. Voilà, c'était Augustine de Blood Orange. Donc voilà, retour de Devante Hines avec ce projet Blood Orange aux États-Unis. On est sur un truc tout de suite plus R&B. Déjà, on a laissé tomber les batteries. On est sur de la grosse programmation de boîte à rythme. On a beaucoup de synthés. C'est un synthé des années 80 là, qu'on peut retrouver dans pas mal de morceaux aujourd'hui. C'est des Roland Juno, là, les Juno 60 ou les Juno 106 qui sont assez caractéristiques, qui sont des synthés... qui ont été qui sont sortis entre 82 et 86, donc Depeche Mode notamment a utilisé ça à foison, New Order, et ça donne tout de suite une petite patte un peu 80s dans la composition, hein. Blood Orange d'ailleurs, c'est super, ça pue les années 80 comme on dit. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur ce coco? Donc ce mec-là, il s'enregistre lui-même, il se produit lui-même, et bon, à côté de ça, il aime beaucoup produire d'autres gens, il a bossé avec beaucoup de monde, si vous le connaissez pas, sachez que aux États-Unis le mec est bankable. Hein, il fait des petits guests dans les clips de Vampire Weekend. On voit Julian Casablanca, chanteur des Strokes, dans son propre clip. Il collabore avec des gens de Chairlift. Il a collaboré. Alors j'ai toutes ces collabs là. J'en ai eu certaines que je ne savais pas. Alors il a produit des chansons avec Carly Rae Jepsen. Vous savez celle qui chantait Call Me Maybe. Sur les albums d'après, sur les morceaux d'après. Et pour le coup, elle qui était une chanteuse de souplette, hein, qui avait sorti un gros tube, ça lui a permis de prendre un petit virage un peu plus indie, et d'avoir des articles dans Pitchfork Magazine par exemple, qui est le gros magazine de musique indépendante aux États-Unis, qui a d'ailleurs un festoche en France au mois de novembre à la Villette. il a produit, il a bossé avec Britney Spears, mais aucun de ses morceaux n'a été retenu. Il a bossé avec Kylie Minogue, A$AP Rocky, mais A$AP Rocky participe aussi sur un de ses albums. Alors ça, je le savais même pas, mais en réécoutant, effectivement, on entend que ça. Il a participé au morceau Self Care de Mac Miller sur son album Swimming. Et il a bossé avec Deborah Harry de Blondie. Et j'en passe, hein, parce que c'est un mec qui est très très demandé, qui a la grosse cote. Il a fait du piano pour, je sais plus, à la dernière Fashion Week, il a fait du piano pour je sais plus quel créateur, là, putain. Bon, bah ça j'ai pu, mais alors ça c'est mes trucs Fashion Week, c'est mes infos Fashion Week, ça va vraiment être de la mauvaise facture, puisque je m'intéresse pas beaucoup à ça. Il a fait la BO aussi de Palo Alto, le film de Gia Coppola, vous savez, la dernière venue dans le monde du cinéma de la famille Coppola. Palo Alto, qui est un bon film, qui est peut-être. Enfin, moi je le trouve avec pas James aussi. James Franco, non? Oui, James Franco et Emma Roberts. Voilà, il a sorti un album en 2018, c'est 2018, 2018, ouais, Negro Swan, qui pour moi est mon favori. C'est un album de fou. Si vous voulez écouter quelque chose de A à Z, ben écoutez cet album-là. Il y a vraiment des côtés soul, on retrouve des guitares un peu qui viennent de l'indie, puis il y a des passages vraiment hip-hop aussi, avec des guests, avec le guest d'Asap Rocky notamment. C'est un album assez taré, et c'est justement sur cette tournée-là que j'ai pu le voir en concert au Pitchfork Festival. Donc ça, c'est un festival qui est organisé par le magazine américain Pitchfork. Donc à la base, c'est un festival basé à Chicago, et maintenant, ils en ont plusieurs versions à Berlin, à Paris. Et à Paris, ça se passe en général aux alentours de la Toussaint, Parc de la Villette. Et on trouve des groupes qui défoncent. Et pour le coup, cette édition-là, il y avait des groupes, il y avait des mecs comme Bon Iver... Il y avait Kate Renada, un DJ, voilà, il y avait Blood Orange, et moi ça m'a troué le cul, comme on dit dans le game. Super concert, avec une formule batteur, bassiste, quelqu'un au clavier, guitariste, et saxophone, clarinette, hyper intéressant. Qui sont mis sur qui sont surélevés, un truc un peu impressionnant. Avec ça, il a deux choristes. Et lui, il arrive avec sa guitare, il a un énorme piano à queue, voilà. Ça fait... Il y a un petit côté Michael Jackson old school dans le fait qu'il danse, dans sa façon de chanter. Et... C'était une sacrée claque. Je vous mets un extrait de l'album Negro Swan, sorti en 2018. Les clips sont pas mal aussi, il y a toute une série de clips autoproduits. Et si je dois conseiller un album de Blood Orange, c'est celui-là, Negro Swan, la pochette, c'est donc un de ces choristes black portant des ailes d'ange qui dépassent, qui est assis sur le bord d'une fenêtre ouverte de limousine blanche. Voilà. Donc c'est lui le signe nègre, qui est la traduction du nom de cet album. On s'écoute ça, ça s'appelle Charcoal Baby. I'm C'était Charcoal Baby de Blood Orange. Que dire de plus? Ah oui, voilà, j'ai retrouvé l'info. Donc c'était pour le défilé Louis Vuitton dont il a fait la bande son. Alors il jouait du piano à côté. Hein. C'était en janvier 2019 et c'était aux Tuileries à Paris. Un petit hommage à Michael Jackson. Et alors, la couturière ou le couturier, c'était Virgil Abloh. Alors là, pour les spécialistes de la fashion, peut-être que vous avez des petits infos à nous donner. Des versos, sûrement. Les versos, ils sont très stylistes et tout. Ouais, les versos. Oui, parce que alors, les goûts qu'on a dans la vie, ils sont écrits dans les étoiles. Moi, par exemple, j'adore les fraises. Et ben, c'est vraiment parce que je suis né un 12 octobre. Le 13... J'aurais préféré les framboises. C'est ouf. Faut que je t'envoie un truc d'ailleurs. Il y a un petit truc de Romain Frécyné. Tous les jours, il fait un petit sketch sur les Instagram. Et hier, justement, il parlait de ça. Allez sur l'Instagram de Romain Frécyné tous les jours avec ses potes avec qui il est confiné. Il sort une petite vidéo. C'est bien marrant. Ça s'appelle Minuit. Et voilà. Mais ce n'est pas la question du jour. Où suis-je? Blood Orange. Bon, moi j'aime beaucoup hein, cette patte 80s, cette espèce de chant pop. Donc voilà, ça pourrait presque de la soupe si c'était pas produit de cette façon, si la recherche du son était pas aussi pointue. Parce qu'en fait, finalement, on a des éléments assez basiques qu'on pourrait retrouver sur n'importe quel morceau d'Alouette. On a une boîte à rythme assez droite. Non mais voilà, j'essaie de faire comprendre un petit peu où se trouve la frontière entre pop indé, même si c'est un peu oxymoronique d'utiliser ces deux termes-là, et pop soupasse. En fait là on a les mêmes éléments, on a une petite boîte à rythme, on a des synthés qui jouent des nappes, on a une basse, la basse peut-être est un peu enrichie, on a quelque chose de plus funky. Et il y a cette guitare peut-être qui change un peu la donne, on a quelque chose un peu plus techniquement balèze, on a quand même un truc un peu jazzy déjà, dans la guitare basse on sent qu'il y a un truc qui change, et puis surtout dans les mix qu'on a de souplettes, peut-être qu'on fera une spéciale soupe en musique, on en parlait, oui. Et ben en général vous avez très très peu d'éléments, très peu d'harmonie, c'est pas très riche, et dans le mixage on a beaucoup de bas, parce que le bas c'est ce qui fait danser, c'est ce qui fait bouger les gens, et beaucoup d'aigus, et pas grand chose au milieu. Là, on a quelque chose de plus dense, de plus recherché. On sent qu'il y a une patte années 80 qui est un peu recherchée. On a presque envie d'avoir des chœurs de Cyndi Lauper qui chante avec Blood Orange là-dessus. Donc voilà, la frontière, elle se joue sur des petits détails comme ça, qui techniquement vous parlent peut-être pas, mais en termes d'émotion, de ressenti, je suis sûr que vous êtes capable de vous imprégner de ça. On fera une spéciale soupe pour vous montrer comment on arrive à faire une bonne grosse soupasse qui passe sur It West ou Fun Radio. Et le petit dernier morceau de Blood Orange, alors voilà, dernier album c'était en 2008, Negroes One, mais le coco il est assez productif et il s'est sorti ce qu'il appelle une mixtape, donc c'est un album qui n'en est pas vraiment un, avec des morceaux qui n'en est pas vraiment, il n'y en a pas du tout de S, ouais. Les liaisons dangereuses, mais avec des micro-morceaux, des petites collabs, il y en a un qui s'appelle Dark and Handsome. Donc ouais, l'identité, hein, la question de la couleur de peau, de la négritude en fait chez Blood Orange, elle se retrouve énormément dans les textes, dans cette thématique. Hein. Donc voilà, on avait l'album qui s'appelle Negroes One, et maintenant on a ce morceau qui s'appelle Dark and Handsome, qui est une espèce d'affirmation de la beauté de la couleur de sa peau. Et c'est un duo qu'il a fait avec un autre musicien américain, avec un musicien américain, qui s'appelle Toro Imoa. Excellent musicien, peut-être qu'on fera une chronique sur lui aussi, qui a collaboré avec Flume dernièrement pour les trucs hyper bankable, et puis de manière générale, Toro Imoa, ça défonce. Ça s'appelle Dark and Handsome, on écoute ça, et puis après, on reprend le cours de nos vies normalement. Mais je vous conseille de prendre 45 minutes dans votre après-midi pour écouter l'album Negroes One. Vous passerez un bon moment avec des passages un peu chill, des passages où vous aurez un peu envie de dandiner votre boule. Et... des passages où peut-être... À part avec cette cigarette, vous tousserez vos poumons sur le son de Blood Orange. Nothing less forever, and I told you everything you need to know that's not true. Lying to myself because it hurts you. Waiting for the simple taste to come through. been known to hide within my own walls. Julie in my eyes so that I don't fall. Up to higher places and escape with all my eyes intact, but who am I to kid? Pound of flesh and yeah, I'm still kicking. So the present just been my own stupid. It's because the past and future scare me. Riding up to Venice with a nosebleed. I stood before the waves and prayed to be clean. But daddy in my mind, my throat turned green. This is everything you ever wanted. Crying for the ones I lost in 18. I keep 3-0-1 for unhappy. Nothing ever makes you get past it. 33 and still can stop thinking. Fatalism, I keep on spinning. Shower my beliefs so with ice melting. Losing touch of everything I know. Praying for my heart to turn stone. That I'm turning around my purpose goal. Bonjour. En guerre. Bonjour. En guerre. La matinale des bons cons. De 10h à 11h. Plus ou moins. C'était à l'antenne, ça. Voilà, c'était Blood Orange, artiste de folie, que j'affectionne de beaucoup. Bah ouais, c'était bien. Moi, j'ai vachement aimé, je connaissais pas. Et merci, monsieur Kemran, pour tous vos beaux conseils musicaux. Ça, c'est bon, vrai. On a quelques... Alors, attends, comme d'hab, jeu concours, préparez le petit post à Facebook. Qu'est-ce qu'on a comme post Facebook aujourd'hui ? Eh bien aujourd'hui on a Madame Mona qui était notre invitée ce matin avec sa maman Pascal. Ouais. Et donc elles sont avec leurs cheveux gras en photo sur le Facebook de la Radio des Boncons. Donc préparez-vous à commenter, je vais vous raconter le film que j'ai vu hier soir dans pas deux. Et par contre entre temps on a du rêve dense, on a du rêve costaud ouais. À détailler. Alors, détaillons. On a du rêve de la famille Jeanne. Alors, le premier rêve. Pouah, pouah, pouah. Premier rêve de notre confrère et ami, Douglas Wilson, qui nous dit... Alors... Bonjour. Alors, j'ai rêvé que j'étais dans une ville avec ma famille et qu'un énorme incendie a eu lieu en plein centre-ville, mais genre dans le sous-sol. Et on le regardait au loin, c'était limite beau, mais je n'arrêtais pas de me lancer des piques avec mon frère et ma sœur en étant toujours à la limite de l'engueulade rigolade. Puis, un moment, on trouve un accès à la cavité qui avait pris feu, et en fait ça ressemblait à une énorme grotte rouge de braise. C'était magnifique et effrayant à la fois, et plein de gens visitaient en mode « Waouh, on est trop des ouf, c'est dangereux, mais fuck le danger !» Alors que clairement, le lieu avait été ouvert parce que la solidité avait été vérifiée. Je ne sais pas comment j'ai eu cette information, mais on en était sûr. Alors je me suis rapprochée d'un groupe de gens au bord du gouffre, encore rouge braisé, et je crie un énorme « Attention !» pour leur faire peur. Mais, même s'il n'y avait aucun danger, pensant faire rire ma famille. Et là, la chef du groupe, qui avait une tête de Nicole 60 ans, a commencé à m'engueuler en mode « C'est hyper dangereux, le bruit va faire tout tomber !» Et moi, je me mets à rire en lui expliquant que « Bah non !» C'est sage et je me... C'est safe. Et je me retourne vers mon frère et ma sœur en cherchant du soutien, mais en fait, ils me jugeaient de ouf, à deux doigts de me dire « T'es vraiment un gros con !» Et mes parents avec un regard plein de déception. Hop, je me réveille après ce mini trauma familial, mais je décide de repartir, et là, bam, deuxième rêve, j'ai rêvé que le clocher de l'église de Drin, qui en réalité est hyper fragilisé, tombait, et c'était une ambiance un peu film catastrophe, mais dans Drin. Voilà! Alors, c'est dense. C'est extrêmement dense, ce rêve, Doug. Est-ce que vous avez peur que la société... Vous avez peur d'une dystopie, peut-être? Vous voulez une dystopie? Dystopie, mais là, on n'a pas de dystopie. Bah, je sais pas, c'est un peu dystopique, peut-être, en mode ambiance, un peu film catastrophe. Ah oui, sur Drin, moi, j'étais sur la visite de la cavité qui avait pris feu. Peut-être qu'il y a un feu intérieur qui brûle en vous et qui ne demande qu'à sortir, Doug. C'est vrai, ça pourrait être ça. Et vous invitez des touristes en votre sein. Et vous avez un rapport avec... Il y a quelque chose avec votre famille aussi, une demande de validation peut-être de la part de votre frère et de votre sœur. Là, c'était plus, je pense, la sensation d'abandon, quoi. Là, j'en veux beaucoup à ma sœur de ne pas m'avoir supporté dans mon rêve. Donc Elsa, si tu peux te rattraper dans la réalité, ça va te faire plaisir. Ah ouais, donc maintenant on va être comme ça là, ça va être à base de quand on veut commander quelque chose, on va s'inventer un rêve. Un rêve. Moi j'ai rêvé que Doug m'apportait pas le petit déj le matin, qu'il m'envoyait pas des Lydia de 60 balles tous les jours. Est-ce que tu peux te rattraper, Doug? Je t'envoie un colissimo. Avec des tartines beurrées. Mais oui, des tartines. Ouais, bah on est... Mais c'est fou, ouais, c'est fou cette histoire. Oui, il y a un feu intérieur qui brûle en vous, Doug. Ouais, et vous cherchez validation. Oui, vous avez peur de l'abandon. Mais en tout cas, ne mettez pas en doute votre sens de l'humour. Hein. Je pense que... Ne le faites jamais. Ouf, merci. Validé par les pères. Pardon. Ma street cred reste intacte. Tu dis ça parce qu'on est plus vieux? Non, j'ai pas dit mon EHPAD crède. De... Oh la vache, carrément. Bon, alors on a un deuxième rêve de votre mère. Attends, je peux le faire, j'ai envie de le faire en mode Pierre Belmar. Allez, ouais. Fais-le. Ah oh, oui, Pierre Belmar. Alors c'est un rêve qui s'est passé la nuit. Et c'est Nadia qui l'a fait. Et pourtant, Nadia se rappelle rarement de ses rêves. Alors, elle est allée faire un petit coucou à ses anciens collègues dans l'école de la Varenne. Julien, celui qui l'a remplacé, était absent. On lui a dit qu'il n'y avait que elle pour le remplacer, donc elle est restée. Alors, tout à coup, deux élèves se pointent. L'un d'eux courait partout, dans le bureau de la direction et dans la salle des maîtres, en slip et pieds nus. Elle devait courir après lui pour le ramener dans la classe. Ensuite, elle lui a dit qu'il pouvait faire tout ce qu'il voulait. Elle observe sa classe pour voir ce qui a changé. C'est le gros bazar. Terrible. À un moment, quelqu'un vient dans la classe pour regarder ses factures. Elles sont accrochées sur le tronc d'arbre. Et elle trouve ça alors très pratique d'avoir un arbre dans une classe. Après, elle s'en va dire au revoir à Anne, son ancienne Azel, qui lui dit que non, elle ne peut pas partir, car elle doit ranger toute la peinture. Affaire terrible. Elle reste très longtemps, car il y a un pot où elle ne sait pas la ranger. Et il y avait plein de monde. Anne ne s'occupe d'autre chose et ne lui répond pas. Alors elle attend avec son poids à la main. Il y a de la peinture partout. C'est horrible. Après, elle se retrouve dans la rue. Un vieux monsieur lui parle. Elle essaie de partir, mais il le retient. Elle ne comprend rien à ce qu'il dit. Alors Anne, Nadzem, vient lui dire de le laisser et elle peut retourner chez elle. Ah oh, waouh. Magnifique. Voilà. Oh, là, votre lecture, elle m'a ému aux larmes. Je pense que Nadia est institutrice, non? Mais c'est professeur des écoles. Je pense que c'est un truc assez courant quand on est professeur des écoles d'être un petit peu rattrapé par son boulot la nuit. Est-ce que le... À la retraite, c'est ça qui est encore plus fantastique. Ah ouais, bah oui, mais ça c'est un métier qu'on ne quitte jamais. Hein. Est-ce que le monsieur qui vous retient serait pas peut-être Jean-Michel Blanquer, Nadia? Hein Peut-être, alors, hein. Faut faire gaffe parce qu'elle a plus le droit de prononcer son nom. Ah. Qu'elle est à la retraite, on lui a interdit une liste de mots qu'elle n'a plus le droit d'utiliser. Ah, c'est pour ça que du coup, peut-être c'est flouté. Et faut faire gaffe parce que si on dit trois fois le nom de Jean-Michel Blanquer, il apparaît à côté de soi. Et il est chiant, bah il est chiant, il sert à rien, mais il est pas intéressant en plus. Il oui, les savoirs fondamentaux. On retournera les inégalités scolaires. Oui. Les programmes. Voilà quoi, il est chiant. Réforme du bac. Et précisément, c'était un petit gros. Ah. Ah, un petit gros, et ben. Peter Petit Gros. Peter... Ah, mon Dieu. Bah écoutez, peut-être que Anne lui manque également, peut-être que elle peut lui envoyer un petit texto pour lui demander comment ça va. Ouais, c'est peut-être l'occasion de reprendre contact avec, avec les collègues ou de. Exactement. De prendre des nouvelles. Et si elle veut voir des enfants en slip, elle peut regarder ses photos personnelles de quand vous étiez petit, Doug, j'imagine que vous deviez être un gamin, vous baladez souvent en slip, non? Bah non, parce que je n'avais jamais de slip. Ça, ça n'a pas beaucoup changé aujourd'hui. Hein. Exactement. Ah waouh, bah écoutez, c'était vraiment des rêves magnifiques. Hein. Un bah petit gros à casquette. Danse. C'était Roméo Elvis, mais gros. Petit gros à casquette. Gros Roméo Elvis. Gros, d'accord. Non, Damien, ne partez pas de slip. Hein. On a la confirmation de votre sœur. Ah oui, Nadia nous précise que elle va appeler Anne pour lui raconter son rêve. Bah oui, voilà. C'est une bonne manière de reprendre contact. Ouais, ouais, ouais. Et Sapa Makem nous dit, elle constate la détresse des enseignants en cette période de confinement, c'est une sorte d'élan de solidarité. Bah oui. Exactement. Ah, vous savez ce que c'est, hein, vous connaissez le game, vous savez à quel point le ministre peut parfois se décharger sur vos épaules en mode « Oui, on va accueillir les élèves le 11 mai, et pour les modalités, démerdez-vous avec votre recteur ». On le connaît le refrain, hein. On va faire des trucs en ligne et tout. Par contre, nos serveurs, c'est de la couille et puis ils vont planter toutes les deux heures. Ah, oui, puis pensez comment bien, ça se danse, les inégalités sociales, les inégalités sociales, c'est faux. Ouais, puis après, bon, bah... On va faire partir l'économie. Non, mais voilà, il faut garder les enfants parce que les gens vont travailler. Et par contre, on va... Alors, hein, moi, je veux bien aller bosser dans mon petit self, là, garder les élèves où il y en a 1200 qui passent, il y a 1600 élèves dans le lycée. Je veux bien tous me les cogner et peut-être choper le corona. Mais dans ce cas-là, qu'on me laisse aussi aller dans mon petit bar de soir le vendredi, où il y a 100 pélos grand max dans la soirée qui passe, 100 pélos max. Alors, on va me dire d'aller bosser, de prendre le corona, pour ce lycée de Bourges. Là, en plus, ils me cassent les couilles, mes collègues, c'est tous des cons. Calmez-vous. Ça m'énerve, là, putain. Je m'en fous, il y en a aucun qui m'écoute. De toute façon, je peux pas les blairer, on a rien en commun, on se connaît pas. Oh, tiens, déjà, je t'ai acheté des chouquettes pour te faire plaisir. J'en bats les couilles de tes putains de pâtisseries, moi je veux pas venir bosser au lycée. Pardon, excusez-moi, j'ai blackout, il s'est passé quelque chose. Tout va bien, calmez-vous. Tout va bien se passer, on va prendre bah, ça fait trop longtemps l'éducation nationale. Alors franchement, je vous admire, j'admire tous ceux qui font ça toute leur vie, parce que en tant que prof, j'ai même pas fait un an. Et en tant que pion à 3 ans, et pff, j'en peux plus, ça me casse les couilles. Ça me casse les couilles, l'éducation nationale. Ouais, oh waouh, comme dit Sepa Makam, je partage un peu l'avis de mon collègue et ouais. Ami. Hein, non, pour m'encourager, moi je suis obligé de dessiner des photos de Blanquer sur le PQ quand je vais aux toilettes. On est à ce stade de, dédain, voilà. C'est pour ça qu'il met autant de temps. Bah oui, il y a la partie un petit peu travaux ouais, manuels, et puis après, voilà, c'est la journée de l'art. Et je peux te dire, j'ai arrêté les blagues sur mon fondement, sur mon caca. Eh bien écoutez, merci pour vos rêves, n'hésitez pas à nous les communiquer. Continuez à nous envoyer du rêve. Et, oh waouh. Tu peux envoyer un modèle, c'est pas ma cam qui dit. Ah mais ce serait étonnant qu'il n'y ait pas des quelques syndicats ou peut-être confédérations d'enseignants qui n'aient pas déjà fait des modèles modèles préfets de PQ Blanquer. Alors c'est pas ma cam qui dit, on peut envoyer un modèle de PQ hein, je présume. Et ensuite la question, le avant-après. Bah ce qui est bien c'est que le après ça peut lui faire une petite coupe de cheveux. Ah oh. Oh non, moi j'étais pas prête à entendre des trucs comme ça dès le matin là, c'est bon. C'est bon. Ah là. Stop. Stop. Bon, en tant que prof, moi j'ai eu Najat, donc je trouvais que c'était la moins pire des pires. Ah, Najat, j'avais oublié. Mais c'est vrai qu'avec Jean-Michel, là, on est parti sur un gros level, quoi. Ah ouais, ça c'est clair. Eh bien, écoutez, merci pour vos rêves matinaux. N'hésitez pas à les partager à chaque fois avec nous. On se fera un plaisir de les analyser. Voilà, voilà. Ça nous fait plaisir. J'espère que vous êtes tous prêts hein, à jouer à notre grand jeu concours. Hier, c'est notre ami Joseph qui a gagné. Alors, j'ai commencé à faire les comptes. Joseph, vous êtes en très bonne position hein, pour remporter la timbale de celui qui a le plus gagné. La directrice des programmes, Ophélie, est très bien partie également puisqu'elle est également à 3 victoires. Et Madame Mona aussi a 3 victoires également. Donc on est sur une égalité là. On est sur une égalité, Ophélie, les 3 winners. Mona, Joseph. Juste derrière, nous avons Doug qui ne peut malheureusement plus jouer. Hein. Désolé, Doug. Et Monsieur Marcette aussi également qui a 2 victoires. Et Elsa Jeanne également qui a 2 victoires. Donc voilà, n'hésitez pas à jouer. Hein. Il nous reste. Vous avez bon, du temps pour jouer. Hein. Alors, j'ai la dédicace. Je vais juste prendre le petit commentaire de Nadia qui est. Alors, moi aussi, en tant que prof, j'ai fait que 2 ans, mais un site, c'est vraiment beaucoup plus mieux. Et ben moi, à voir le chocolat que ma mère ramène avant chaque vacances, j'ai un peu l'impression qu'un site c'est mieux, effectivement. Hein. Parce que moi, si j'ai eu une sucette qui colore la langue une fois par un élève, et je l'ai encore parce que ça m'a énormément touché. Mais c'est vrai que les chocolats à chaque vacances, ça fait kiffer un peu. Alors, dédicace de notre vainqueur d'hier, de tantôt. Alors, dédicace à tous ceux qui passent leur confinement avec un dégât des eaux et un plombier comme seul visiteur. Est-ce que vous avez vu l'arrêt du plombier? Parce que alors, pour certains qui sont célibataires, ça peut être la plus grosse action qu'ils auront de ces 2 mois. Et c'est vrai. Et c'est déjà ça, comme disait Alain Souchon. Rêver, c'est déjà ça, c'est déjà ça. Une raie, c'est déjà ça. Une raie, c'est déjà ça. Une raie, c'est déjà ça, c'est déjà ça. Et alors que je vois la raie de plombier, c'est déjà ça. Eh bien, écoutez, Uberfix Diffon nous dit, bon, à quelle heure la fresque sociale, j'ai envie de mettre fin à ma cure de sébum. Eh bien, c'est maintenant. J'espère que vous êtes prêts, que vous êtes mis sous la page Facebook. C'est parti, Kéman, quel est le film que vous avez vu hier? Eh ben, j'ai vu un film hier, j'étais subjugué, hein. J'étais subjugué. C'était une fresque sociale. mais véridique. Bon, évidemment, hein, y a plein d'autres éléments autour de ça. On reste pas que sur du social. Mais il y avait ce truc de voisinage entre. Il y avait cette histoire de pas mère célibataire, mais une mère qui a la charge de son enfant et le mari qui se pointe, qui revient après. Je sais pas si c'était parti pendant 2 ans ou 3 ans, c'est un peu chelou. Il revient dans la baraque et tout. Et voilà, on sent qu'elle s'est un peu mal démerdée pour élever son gosse. En plus, c'est aux États-Unis. Le mec, il est bon. Le gamin, il est moitié chicanos parce que son père est chicanos pour le coup. Du coup, bon. Je vous donne en mille. Ça roule pas sur l'or. Hein, c'est pas Pitbull 1-2-3 Miami. Voilà. Bah, il dit tout le temps ça avant cette chanson, il compte en espagnol et puis après il donne un nom de ville. Pitbull, ça commence comme ça. Mais rien à voir, ne nous éparpillons pas. Mais c'est pas la question, c'est pas vraiment eux le truc central, c'est ce qui se passe un peu dans l'immeuble. Il y a aussi leur voisin qui est un peu chelou, qui parle pas trop. Il a le mec ténébreux quoi. Ah, par contre, franchement, j'ai tellement eu envie de lui faire l'amour. Un indien dans la ville? Non, ça se passe aux États-Unis, je viens de le dire. Quand même. Et puis un chicanos, mais il n'y a pas de chicanos dans la ville. Thierry Lhermitte, il a l'air de quoi pour vous là? Non, mais je. Et donc t'as eu envie de lui faire l'amour? Ah bah ouais, le mec là, le voisin de cette petite famille là, putain, il dit pas grand chose, mais je pense que tout se joue dans le regard. Il a un truc, il pue le cul. Non mais franchement. C'est typiquement le genre de mec, dès que tu le vois dans un film, t'as envie de lui arracher sa chemise d'une manière ou d'une autre. Ouais. Il a un truc qui... Bon, de toute façon, je suis sûr que tout le monde sera d'accord avec moi. C'est un mec, il envoie du pâté. Petit blondinet, là, il dit pas grand-chose et tout. Tu sens qu'il en pince pour la nénette. Alors un problème, c'est que bon, il aime bien le gosse aussi, ça se marre bien, mais du coup, il y a le père qui redébarque comme ça en mode mais salut, ah bah ouais, en fait, c'est ma meuf, j'étais pas là pendant je sais pas combien de temps, mais me revoilà, coucou, c'est moi. Donc le mec, le blondinet, il est pas super content. Alors je crois que c'est pareil, pour se défouler, il conduit des bagnoles dans la ville, là, en bouffant son putain de cure-dent, là. Alors, il passe son temps avec un cure-dent. Ah, ça, je sais pas. Ça, c'est une idée à la con parce que moi, ça m'est déjà arrivé de bouffer mon stylo Bic là et d'avoir le petit bout qui me va dans les poumons. Après, tu passes sur le billard pour t'enlever ça des bronches. Super la bonne idée. Alors, le cure-dent, génial, génial pour se percer l'œsophage, l'estomac ou les poumons. Je trouve que c'est bien pété comme idée. C'est bien pété, je vous le dis. Alors, bah oui, mais qui a été le Los Plus Rapidos? Bah, normalement, c'est... Bon, bah voilà, je continue mon histoire, et puis je voulais, vous savez un peu ce qu'il en est niveau timing, vous? Okay. Donc voilà, il y a ce truc-là, ça roule des bagnoles, et il y a cette scène, mais méga vénère, où qu'est-ce qui... Ah, il arrive à, finalement à conquérir le cœur de la belle. Il s'embrasse dans l'ascenseur, c'est hyper mignon, c'est romantique. Et l'instant d'après, il pète la gueule d'un mec, il lui défonce sa mouille, il lui fracasse le crâne. Il y a cette espèce de climax, anti-climax. Le moment, l'apothéose du film, il s'embrasse, ralentit, c'est trop mignon et tout. Puis l'autre, le mec, Ryan Gosling, après, il écarte la meuf, il a son blouson avec le scorpion derrière, bam bam bam. Et après, le mec qui est à côté, il lui défonce la gueule à coups de... Pompe là, il lui pète le crâne là, ça pisse de partout, c'est dégueulasse. Wouah, wouah. Ah y a, moi ça fait beaucoup d'émotions d'un coup là, j'étais wouah, j'étais pump up là. Mais ouais, c'est ça le film. Bah ouais, c'est Drive, bah évidemment Drive, Ryan Gosling. Alors putain, j'ai jamais vu un mec aussi bien joué en parlant aussi peu. C'est impressionnant. Voilà, donc il y avait avec Carey Mulligan aussi, et comment il s'appelle Deluxe, comment il s'appelle Ah putain, j'adore cet acteur. Oscar Isaac, voilà. Ça, c'est un film à remater, hein. C'est un film qui a fait du gros bruit au box-office et pour des raisons largement méritées. C'est Nicolas Winding Refn, je crois, qui a fait ça. Qui derrière a fait Only God Forgives, qui dans le délire est bien vénère aussi celui-là, Only God Forgives, hein, avec des trucs, des scènes, plein de métaphores un peu phalliques, très freudiennes, à base de coup de couteau dans le bide et tout. Bon, on a vraiment deux gagnants, hein, parce que, même si c'est vraiment nous, joué à une seconde près. Et en tant qu'admin, on peut pas voir... Si, en mettant en plus récent, c'est Ophélie Soucault qui a été plus rapide, mais vraiment, ça s'est joué à une seconde. Bon, bah, on prend deux dédicaces, on n'est pas des bâtards. Loyo Legrand et Ophélie Soucault, vous avez chacun gagné une dédicace, donc pour demain. Bravo, vous avez gagné. Bon. Eh ben... Ah, ça m'a fatigué, moi, de raconter ce film, hein. Pouh. Bah ouais, j'ai compris quand tu t'as parlé du... Du cure-dent, ouais. Bah ouais. Là, je me suis dit, waouh, ça va aller vite, à partir de là. Bravo, vous avez gagné. Alors, Ophélie, bravo, hein, vous êtes à 4 victoires. Bon, pour l'instant, c'est la queen, c'est celle qui est en tête. Mais rien n'est joué, vous pouvez vous rattraper. Bon, bah sur ce, on va se dire au revoir, on va se saluer. Eh ben oui, Doug, vous avez peut-être quelque chose à nous dire? Bonne journée. Voilà. Tout simplement. Bah ouais, pour pas faire compliqué quand on peut faire les choses simples. Ah moi c'est marrant, c'est l'inverse ma devise à moi, mais ok. Pourquoi faire les choses simples quand on peut les faire compliquées? Bon. Et puis bah moi aussi je vous fais des gros bécos. Et puis on vous dit à demain pour de nouvelles aventures radiophoniques. Oui, et on embrasse l'éducation nationale, quelle qu'elle soit. On embrasse les membres de l'éducation nationale, mais pas le ministère de l'éducation nationale. Non, celui-là, grosso modo, il peut aller se faire cuire le cul. Moi, je pense qu'on peut lui proposer ça. Oui. Comment ? Ce serait pas le moment d'aller dessiner dans les toilettes? Bah moi c'est mon heure, là je vais aller fumer la première clope de la journée, puis ça va aider à aller poser un petit Jean-Michel dans les toilettes. Comme j'aime à l'appeler. J'ai Blanquer qui tape au carreau, comme on dit. Oh mon dieu. On se quitte sur quoi, Kemen? Bah notre classique, Philippe Catherine, Francis et ses peintres, et c'est le loup, la biche et le chevalier, tout en douceur, tout en candeur, tout en coton. C'est la reprise d'Henri Salvador. Des bisous. Bisous. Une chanson douce que me chantait ma maman.